Voilà, ça t'es en train d'expliquer le Rahman, hein, le Rahim. Non, dès que tu veux dire Bismillah Rahman Rahim, pourquoi tu dis Bismillah Rahman Rahim? C'est quoi? On le sait ça. Mais pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est pas vrai ça. Avant de faire l'amal, tu dis Bismillah. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Bismillah? Ahsant. Alors, je viens de répondre. T'as donné un bout de réponse. Qu'Allah y mette la baraka. عندك شو تفعل pour الله احسنت pour protéger le shaytan احسنت كلمه استعانه ونجاة بسم الله الرحمن الرحيم اي tu demandes l'aide à Allah ça veut dire ça بسم الله لان le ba bis dans la langue arabe le ba c'est كلمه استعانه ou حرف يفيد الاستعانه اي dès que tu dis بسم الله الرحمن الرحيم اي tu vas demander de l'aide à Allah dans ce que tu veux faire لا حول ولا قوه الا بالله الإنسان إلى ضعيف أنت تبزون دير فأنت مثلا تبي يكريغ عن ليف أو ديبي تكري بسم الله الرحمن الرحيم أي تفسى لله وحدة كما نحن نتحدث أي تدمون لدى الله لأن أفتدك تبا يغيب أفتدك إلى آخر فالإنسان يغني على الله إياك نعبد وإياك نستعين تسا أولا بي تسا أولا بي فأنتم سكوغوتيا نحن دي الدرس كي باسي لأن لي مسائل النحو أشكلت على بعض إخوة إضافة النحو زي العمر أنتم سكو فغطني سلسا بسم الله الرحمن الرحيم أنك تكموس ودمو بضلد الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ثم ذكرنا الرحمن والرحيم الرحمن والرحيم ونادلين قاعدة من غيق في اللغة بغطو الرحمن الرحيم ما هي أن بعض الأسماء بسم الله الرحمن الرحيم إذا اجتمع المعنى أحسنت وإذا تفرق أحسنت المعنى واحدة أحسنت هذه ça arrive beaucoup en langue arabe. Deux mots se rassemblent dans un texte. Tu vas voir celui-là, il va avoir un sens, celui-là, il va avoir un autre. On avait donné l'exemple de l'islam et l'imam. Si tu as dans un même texte, maintenant trois hadiths Jibril, on avait donné l'exemple. Hadith Jibril, c'est un texte. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé. Dans ce texte, il y a l'islam et l'imam. Enfin, l'islam, il va avoir un sens. On avait dit les œuvres apparentes. Le prophète, il a expliqué la prière, la salat, al-hajj, al-zaka, ila akhirah. Et l'imam, il va avoir un sens. L'imam, il a la foi dans le cœur, les anges, ila akhirah. Si il sépare dans un texte, maintenant tu as que l'islam, ça englobe l'iman, ça englobe l'autre. Si dans notre texte tu as que l'iman, ça englobe l'islam. Ça, ça arrive souvent dans la langue arabe. C'est ce qu'on a expliqué avec Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-An, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, ils sont les deux dans le texte. Comme dans le Coran, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, dans le Sunnah, les deux sont dans le même texte. Ar-Rahman, il va avoir un sens, Ar-Rahim, il va avoir un sens. Si tu as qu'un des deux, مثل سورة الرحمن الرحمن علم القرآن الرحمن يبقى انقلب الرحيم يبقى انقلب السنس دو الرحيم سنو لابيو الآن نو سكوا السنس دو الرحمن سكوا السنس دو الرحيم عندما الفؤاد أحسنت الرحمن على وزن فعلان الأوزان ça c'est في علم الصرف t'as des mots ils ont des أوزان مثلا رحمن فعلان c'est le même وزن et ce وزن en langue arabe تستفيد منه المبالغة أو الكثرة فالآن الرحمن ça montre que la رحمن y a beaucoup de رحمن y a beaucoup de رحمن والرحيم là on a pas dit ça on a dit quoi الرحيم عندك احسنت على الرحمه الواصله احسنت وقد يطلق لفظ الرحيم على الله وعلى غيره الرحيم سالفعل سالاكسيون الان الله عز وجل بالاجماع انه متصف بصفه الرحمه الله له صفه الرحمه شت الرحمه سنتخبي الله سبحانه وتعالى Attribut Ar-Rahman. Thumma

المؤلف عليه رحمة الله اعلم أولا فيه تنبيه يعني تنبيه أي كأن المؤلف يبغى أتغيطنا تنسو بتدي اعلم أولا إلى كمصر بسم الله الرحمن الرحيم أي إدمان ضلاد الله عز وجل ثم يدي اعلم أي le كلام qui va venir il va être très important لهذا il a dit اعلم اعلم il attire ton attention اعلم ça vient du عين ça vient du savoir ça va sache ils traduisent هكذا اعلم أي الآن الكلام الذي va venir il va être مهم جدا il va être مهم جدا فشيخ الإسلام il attire ton attention il dit اعلم et ثم il va dire des choses الآن il va dire des choses il va dire كذا كذا كذا فأنت tu comprends ça que le كلام qui va venir il est مهم جدا وهذا كثير في القرآن والسنة من يذكر من أدلة الكتاب والسنة أنه فيه التنبيه بإعلم كثير فاعلم أنه أحسن فاعلم أنه لا إله إلا الله الله عز وجل تعالى فاعلم أي الكلام إليه مهم كلام إليه مهم كذلك من السنة تقدم معنا في الأربعين تذكر حديث ابن عباس ما تذكرون في القدر أحسنت واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابن عباس اعلم اعلم هذا كثير في الكتاب والسنة فشيخ الإسلام عليه رحمة الله إلى أمطوي اسمه اعلم اعلم أي فتمنطخيك الكلام إبايت مهم إبايت مهم ثم الشيخ العثيمين ينزيك العلم قال العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما قال ومراتب الإدراك ست الآن العلم لديفينيسيون سهالي العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه أي تكون سوى الشيوس كما لن سيسا العلم شتدي مثلا سيكوا سا شتدي سا كتاب سا ليفر خلاص سيدو علم أي تدخل الشيوس كما لن سي شتدي سيكوا سا تمدي سين موتخ لا لا الآن هذا سيبا يموت سا ليفر سا ليفر فالعلم تكون سوى الشيوس كما لن تدي سا سي حلال سي حلال سيدو علم سيدو علم ودي ما الدليل على كذا تعمل الدليل à sa place c'est du ilm c'est du ilm il y en a la chose tu l'en dis comme elle est comme elle est الآن هذا العلم il a des maratib des niveaux il a 6 niveaux tu peux savoir une chose biyaqin sans aucun doute ça va être l'ilm tu peux avoir un doute tu peux pas connaître la chose tu peux inverser tu crois que c'est ça alors que c'est ça il a akhir on va les voir une par une قال ومراتب الإدراك 6 le fait de concevoir une chose il y a 6 niveaux الأولى العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما هذا ولا إكسبيكي هذا ولا إكسبيكي مثلا de loin tu vois une personne c'est un homme on te demande c'est qui tu dis c'est un homme ça c'est du علم t'as su ce que c'était cela si c'est un homme et tu dis c'est une femme là tu t'es trompé tu t'es trompé ça c'est du جهل ça c'est du جهل ça العلم c'est que tu conçois la chose comme elle est comme elle est ça c'est halal c'est halal مثلا الخمر سي حرام بأدلة الكتاب والسنة سي اون اون بيرسون اسكو العلم اسكو الخمر سي حلال او سي حرام سي نو دي سي حرام خلاص الى على علم لان يعني لا دوني الحكم كوم الى كوم الى سي نو دي سي حلال لا سان جاهل سان جاهل مفهوم هذا العلم قال الثانية الجهل البسيط وهو عدم الادراك بالكلية علما أن هذه المسائل التي يذكرها الآن الإمام العثيمين عليه رحمة الله من مسائل الأصول هذا التفصيل vous allez voir celui qui a pas fait أصول فقه هناك لكن شيخ العثيمين كما تعلمون إمام في الأصول وفي النحو فلهذا الذي يقرأ شروحات الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يتوسع في مسائل النحو لأنه إمام وكان يعتني كثير بالنحو كما تعلمون شرح الألفية وشرح الأجرمية فهو لمسائل النحو يتكلم مثل النحوي tu peux prendre les autres شروح الرحيم ils ont pas fait ce tafsil peut-être avec ce détail لأن هو il parle comme si c'était un نحو il t'emmenait les مسائل النحو الآن on est rentré في العلم il t'a pris comme du أصول لأن c'est un أصولي تعلمون أن إلى كتاب نافع جدا في الأصول

Azzawajal il te rahme, il va te donner ce que tu veux. Maintenant, Al-Jannah, Allah, dans le hadith, il l'a appelé Rahma. Anti-Rahmati. Ar-Rahma, c'est qu'Allah il donne ce que tu veux, mitla al-Jannah, et t'écarte de ce que tu n'aimes pas, mitla al-Nar. Mitla al-Nar. Si Allah il te fait la miséricorde, il va te donner ce que tu aimes et il va t'enlever de ce que tu n'aimes pas, ou de ce qui te fait du mal. Alors il va te donner ce que tu as besoin et il va t'écarter de ce qui te fait du mal. C'est ça Ar-Rahma. Rahimakallah, fal-an, Cheikh al-Islam, il nous a fait une dua azim. Fait une dua azim. فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها هذا إذا أفردت الرحمة الآن suivez, on va revenir à la règle. الرحمة c'est elle est toute seule. الآن si الرحمة elle est toute seule, ça veut dire que Allah il pardonne tous tes péchés qui sont passés. هذا قوله فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك أي Allah il pardonne ce qui s'est passé avant et il te wafak dans ce qui va venir dans l'avenir fil mustaqbal et Allah il te facilite, c'est ça rahma. Je te dis maintenant, je dis Ismaïl rahimakallah, et qu'Allah il te pardonne tes péchés d'avant et il te facilite le chemin que tu vas prendre, hein. Il te facilite, il t'ouvre les portes, il arrive, c'est ça rahma. Dès qu'elle est toute seule et toute seule dans un texte أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. الآن المغفرة ça ressemble à الرحمة. Ils traduisent al-rahma par la miséricorde et ils traduisent al-maghfira par le pardon. Et le pardon et la miséricorde, ça se ressent. Ça se ressent. Enfin, s'il y a les deux, al-rahma, ça va être pour les péchés qui sont passés. Et le maghfira, ça va être qu'Allah il te wafak dans l'avenir. Et s'il y a un des deux tout seul, il englobe l'autre. C'est comme Ar-Rahman et Ar-Rahim. C'est comme Al-Islam ou Al-Iman. C'est comme Al-Faqir ou Al-Miskin. C'est des mots en arabe. Si إذا قرنت أو قرنا مع الآخر تفترق المعنى وإذا افترق بنص تجتمع المعنى. على كل حال اعلم رحمك الله الشيخ الإسلام qui t'a fait une invocation qu'Allah il pardonne tes péchés et qu'il te facilite يعني ton avenir, qu'il te facilite ton avenir. C'est une dua عظيمة. قال وصنع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بمخاطب بالمخاطب بالفتح قال وقصد الخير له وهكذا الداعي إلى الله. ça c'est حال العلماء. العلماء الربانيين تدخل من أرحم الناس بالخلق فهكذا نحن إن شاء الله القصد هداية الناس. Le but c'est de guider les gens. Si t'es à la ilm, le but c'est de guider. Anta, va pas croire que les gens ils vont t'écouter du jour au lendemain. Abadan. La bout de tasbir. La bout de. يعني, du temps. Ba'd al-Nas, maintenant tu trouves, il a été élevé 50 ans sur une bid'a. 50 ans sur une bid'a. Tu trouves maintenant Al-Awam Indana, tu trouves depuis qu'il est petit. T'as bien sauvé. Ils ont appris le Qubur, ils ont appris Kada. 50 ans. Anta, t'arrives du jour au lendemain, tu lui dis Kada. Là, t'as donné, c'est facile. Il va te dire là. لا لأن الوقت لا أثر فأنت تدسمه في الموت كجل من خير برحمة avec un كلام هادي بلين برزق إن شاء الله يحصل خير فلا ينبغي الداعي إلى الله يستعجل التمرة لا تضل هكذا النبي عليه الصلاة والسلام au début ils ont commencé, ils étaient très peu. Des années après حجة الوداع ils étaient ما شاء الله فالرحمة. قال ومثال ذلك تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الطائف au début de la da'wah. النبي était encore à مكة et il n'était pas beaucoup à مكة. النبي صلى الله عليه وسلم de temps en temps il sortait de مكة pour faire da'wah. Et هذا c'est un رد على جماعة التبليغ. Il sortait pas 5 ans. النبي صلى الله عليه وسلم il sortait وحده. Et النبي صلى الله عليه وسلم il avait du علم. Et النبي صلى الله عليه وسلم il mettait pas je vais à Taif 3 jours 40 jours ما في من هذا. Tout ça c'est une bid'a هؤلاء. الدعوة تحتاج إلى علم. Et t'as pas besoin de limiter dans un مكان ou dans un man. Là, t'as besoin de 4 jours, fais 4 jours. T'as besoin d'un jour, t'as besoin d'une heure, ça dépend. Amma, tu mets 3 jours. Et هذا كله من البدع. Et كذلك celui qui sort, c'est celui qui a du ilm. النبي صلى الله عليه وسلم il est مؤيد بالوحي. Mais الآن tu vois des gens, ils ne savent même pas parler. Bardon, ils ne savent même pas faire l'auto. Tu le vois, il veut faire دعوة لأمة.